On parle de ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen. Ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen. Audi. Ex micro, si l'équipe tombait sur toi, c'était baisé. Super bagarreur, je crois que je regardais trop des BVL. Y'avait 2-3 camés à l'étage. Et pour grailler la haine, donc les keufs ne calmaient pas mes gars. Et les plus anciens ont commencé à tomber par mes gardes. Car leur trafic était certes fructueux, mais pas légal. Et nous on a fait la même en scred ou bien en grillé. Tu connais la relève, imite les grands en voulant briller. Y'a des soirs où toute l'équipe se retrouvait en boîte de night. T'avais de la chance, tu repartais pas avec des traces de night. Prends avec les potes, mythomane ou commissariat. On rigole encore sur des actes qu'on a commis sérieux. Ok, à l'époque la racaille plaisait aux petites. Donc on avait la cause et l'attitude bébé criminel. Ce qu'on connaît, c'est des histoires tristes ou bien mortes de rire. Tu connaîtras ce privilège si tu fais l'effort de vivre. Ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen. Ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM M Volkswagen et Audi. Drogue douce et alcool, paraît que c'est pas ça le pire. Laisse-moi te dire le contraire pour t'en convaincre. J'ai mon expérience et mes putains d'histoires qui avaient pour la plupart du temps comme refrain. T'inquiète, je gère tellement bien que trop de fois j'ai mis les proches dans la merde. Tellement bien que trop de fois j'ai failli tout perdre. Ma soirée parfumée, gaz lacrymogène. On était jeunes, dingue, fallait pas faire les baltringues. On se dé au shit, au whisky, toujours fourré dans les problèmes. Le responsable de cette merde, JB ou Heineken. J'en ai vidé des packs, j'en ai tiré des grosses barres sur des joints jusqu'au filtre à main, cramé les mains. À ce qui paraît, j'étais en tête dans pas mal de plaids. Car au coup de bouteille par derrière, les raisons toujours les mêmes. Un regard de Vertra, un bâtard qui parle par derrière. Une rodka, une petite histoire de baisse. On connaît ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen. Ce qu'on connaît ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen. Ce qu'on connaît ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen. Ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, du putain de vécu, des histoires pleines de connards et de victimes. Z la whisky, j'entends 18 et V6, Merco BM Volkswagen et Audi. À ce qu'on dit, on est connu par ici.